Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 15 novembre une couronne mortuaire devant la dépouille de feu Pyongyang-li et ses secrétaires généraux du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, lauréats des ordres Kim Il-sung et Kim Jong-il, académiciens par correspondance, professeurs et docteurs, en signe de ses profondes condoléances à son décès.